j'pilote. Quand t'en fais pas, j'pilote. C'est moi, j'pilote. Si j'vois les képis, j'pivote. Tu crois quoi, j'pilote? Tu me rattrapes pas, j'pilote. J'envoie les gars, j'pilote. Pas besoin que j'pilote. Moi je n'ai rien à prouver, je sais pas pourquoi je ferais ça. Tu me cherches, tu vas pas me trouver. Je suis en train de faire les mapisa. Oh oui, en ce moment tout va mal, mais ça va. On me dit souvent ça fait du bien. Ça sera peut-être mieux un jour. Je veux plus voir les comicos. Je veux plus voir tous ces gros mythos. Et moi je vais partir sous les tropicos. Avec mon pionnet JB Chico. Cet été me faut la villa. Pourquoi pas me ressourcer au village. Faire pencher la moto dans le virage. Je refuse pas la photo. À part si j'ai trop de soucis photo. Je vois un petit lever en Oveto. Il me fait le signe d'yol vers le Corlioto. J'pilote, toi t'as fait pas. J'pilote, c'est moi j'pilote. Si je vois les képis, j'pilote. Le Tracer, le Ducati ou le KTM. D'or et platine de la tête aux pieds. Change pas de team ni de dégaine. Sert à rien de faire le Don Vito. Ne t'inquiète pas, j'fais tout. Si tu m'aimes bien que tu vois pas le buzzer, ben pour toi j'fais tout. Sans m'en blesser tous les coups. T'es pas grave, sans plus les coups. J'suis peut-être trop paranoïaque quand j'chante, j'suis sur écoute. Insomniac, j'fume des pétards jusqu'à tard debout. Vas-y, sors le cross, lève le fait de toucher le garde-boue. J'pilote, ouais t'as fait pas. J'pilote, c'est moi j'pilote. Si j'vois les képis, j'pivote. Tu crois quoi j'pilote? Tu me rattrapes pas, j'pilote. J'envoie les gars, j'pilote. Pas besoin que j'pilote. J'pilote, toi t'as fait pas. J'pilote, c'est moi j'pilote. Si j'vois les képis, j'pivote. Tu crois quoi j'pilote? Tu me rattrapes pas, j'pilote. J'envoie les gars, j'pilote. Pas besoin que j'pilote. Le Pfizer, lève-le. Lève-le, le cross lève-le, l'Oustad lève-le, le Pfizer lève-le, TTM lève-le, le cross lève-le, l'Oustad lève-le. J'pilote, tu fais ma clé, fais la colonne, tu tout tout la la la la. J'pilote, tu fais ma clé, fais la colonne, tu tout tout la la la la. J'pilote, tu fais ma.